Selon le grand dessein du dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée pour la montée en puissance nucléaire, les scientifiques et techniciens du secteur d'études de fusées ont réussi le 14 mai de l'an 106 de juillet 2017 au tir d'essai de la fusée balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol de type façon 12, nouvellement mise au point dans le cadre de leur marche vigoureuse vers un nouvel objectif en face du monde. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé sur place le tir d'essai de l'engin de nouveau type. Il s'est montré très satisfait de l'engin balistique façon 12, mis au point comme un nouveau système d'armement impeccable, engin Tsutsi, conforme aux idées de notre parti en matière de stratégie tactique militaire et aux exigences de l'actuelle époque. Le tir d'essai avait pour but de réaffirmer les éléments tactiques et techniques du nouvel engin capable de porter l'ogive nucléaire grande et lourde à grande puissance en ce que ses caractéristiques techniques. Faisant compte de la sécurité des pays voisins, le tir a été effectué au système de tir vertical maximal. Sur l'ordre du dirigeant suprême, à 4h58, est mis le feu à l'engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol de nouveau type façon 12. L'engin a suivi son orbite de vol prévue jusqu'à 2111,5 km d'altitude maximale pour frapper avec précision les parages objectifs ciblés à 787 km sur la haute mer. À travers cet essai, on a confirmé parfaitement toutes les caractéristiques techniques des systèmes de guidage et de stabilisation, de structure, de pression, de contrôle et de tir de l'engin nouvellement conçu à notre manière par nos scientifiques et techniciens du secteur de défense nationale. On a réaffirmé aussi la fiabilité du moteur de fusée, nouvellement mis au point dans les conditions de vol réelles. On a vérifié aussi les caractéristiques de guidage à l'étape finale de la tête de combat commandée dans les dures conditions de retour dans l'atmosphère et la précision de fonctionnement du système d'explosion de l'ogive nucléaire. Le dirigeant suprême a embrassé les officiels du secteur d'études de fusées pour les complémenter avant de se faire photographier en souvenir avec les officiels, scientifiques et techniciens qui ont participé à l'essai. Il a apprécié haut à maintes fois les participants qui ont développé l'engin balistique à notre manière et leur a adressé les remerciements spéciaux en son nom personnel. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a indiqué, entre autres, « La grande réussite au tir d'essai de l'engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol du type façon 12 fait preuve du haut niveau de développement de la technoscience de défense nationale que notre République a atteint. Elle a une importance considérable et spéciale pour assurer la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région. Elle est aussi une grande victoire sans pareil du peuple coréen. Peu importe qu'on le reconnaît ou pas, notre État est réellement une puissance nucléaire. Et nous maîtrisons résolument, avec notre dissuasion nucléaire, remarquablement renforcée à une vitesse inimaginable, ceux qui recourent au chantage nucléaire. Les États-Unis nous menacent et font chantage sur nous en introduisant massivement leurs équipements stratégiques nucléaires aux alentours de la péninsule coréenne pour exercer une certaine pression. Mais la fanfaronnade des États-Unis lâches, qui savent enjoler manu militari seulement les pays sans nucléaire et faibles, est bien ridicule et n'est pas de mise avec nous. Si jamais les États-Unis osent choisir la provocation militaire contre notre État, nous sommes prêts à y faire face sur le champ. Le système d'armement le plus perfectionné dans le monde ne sera jamais le monopole éternel des Américains. Et nous sommes convaincus que viendra le jour où nous pourrons utiliser le moyen de représailles correspondantes. Et à cette occasion-là, cela suffira pour les États-Unis de voir si les engins balistiques coréens sont réellement la menace ou non pour eux. Si jamais les États-Unis osent nous toucher à la légère, ils ne pourront échapper au cataclysme sans précédent. Il ne faut pas négliger ni juger mal la réalité que le territoire américain et la zone d'opération du Pacifique sont dans le rayon de nos frappes et que nous possédons tous les moyens puissants de représailles mortelles. Voilà notre ferme avertissement. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a donné aux scientifiques et techniciens du secteur d'études de fusées l'ordre de s'efforcer toujours, sans se contenter des succès déjà remportés, pour développer davantage d'armes nucléaires et de moyens de frappe nucléaire à haute précision et aux espèces variées, jusqu'à ce que les États-Unis et leurs suivistes font un choix juste en reprenant ses esprits et d'accélérer les préparatifs d'expérimentation nécessaires.